Voilà. Alors bonjour. Je vais vous parler un peu de Firefox. Vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, tout le monde va sur Internet et tout le monde utilise un furteur de nos jours. Et pourquoi Firefox? Mais premièrement parce que c'est libre. Maintenant, on va dire oui, il y a d'autres furteurs libres. Allez fouiller, il y en a environ peut-être au moins licence libre, au moins une bonne vingtaine, là, Caméléon, je sais pas, même Chromium. Mais en fait, qui respecte notre vie privée. Je crois que c'est difficile de trouver mieux que Firefox. Pour une raison bien simple, c'est pas que Firefox est nettement mieux que les autres, c'est qu'il est paramétrable. C'est le seul furteur qu'on est capable, dans lequel on est capable d'aller dans les arcanes. On peut ouvrir le capot et on peut aller changer sa façon de fonctionner. Parce que tous les furteurs ont une malheureuse manie, c'est de trop en dire. Parce que toutes les fois que vous vous connectez sur un site internet, évidemment, le site peut demander une information et le furteur va vous la transmettre. Alors, ça se fait évidemment sans qu'on s'en rende compte. Alors, je vous suggère la première chose de savoir quelle est l'empreinte que mon appareil me laisse lorsque je vais sur Internet. Parce que quand vous allez sur Internet, bien sûr qu'il y a votre adresse IP. Mais votre adresse IP, c'est tout à fait banal. C'est très facile de savoir qui vous êtes sans votre adresse IP. Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Alors, allez sur le site amiunique.org, donc suis-je unique.org. Et vous allez voir si vous êtes unique. C'est un site qui a été monté en France les gens qui l'ont monté, bon, évidemment, il y a environ, c'est indiqué en bas ici, là, vous voyez, il y a 824 000 personnes qui se sont branchées, 824 000 fois. Et donc, évidemment, c'est surtout des chercheurs, donc c'est peut-être pas représentatif de la population en général, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Alors, moi, je me suis branché, j'ai fait la saisie d'écran suivante. Alors, on voyait qu'il y avait 42% des gens qui utilisaient Firefox comme moi. Ah, parfait, hein, mais sauf qu'il y en avait 0,20% qui utilisaient la version 62, parce que la version 62 est transmise, le numéro de la version. Et ensuite, c'était installé sur Linux. Alors, encore un peu plus pointu, c'était aussi en français, parce que j'utilise le français comme langue. Et j'étais dans un fuseau horaire UTC-4, parce que notre fuseau horaire à Québec, on est 4 heures derrière le temps universel. Et bon, etc. Ce qui fait qu'en recoupant tout ça, on finit par arriver à une seule personne. Maintenant, il y a du détail. Vous remarquerez que le mot détail, quand on clique sur le détail, on va encore plus loin. On est capable de savoir quelle est ma carte graphique, quelle est la taille de mon affichage. En tout cas, j'en passe. Mais toute cette information-là, c'est une information qui est transmise par votre furteur de façon automatique. Donc, avec tout ça, une qui est très originale, je vous la montre ici, c'est écrit Canva. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est une fonction qui génère une image. Cette image-là est dépendante de votre appareil, de votre carte vidéo, des polices installées, des logiciels installés. Et cette image est unique. Elle est vraiment unique. On commence à l'utiliser donc pour aller pointer les gens très facilement. Donc, il faut désactiver cette fonction-là si on veut vraiment s'en prémunir. Par contre, il y a des inconvénients, parce que comme toute chose, je vous donne l'exemple dans le cas de Firefox, c'est son visualisateur PDF qui utilise cette fonction-là. Donc, si vous désactivez ça, vous ne pourrez pas voir les PDF à l'intérieur du visualisateur de Firefox. Alors, les exemples de données banales qui sont récupérées par celui qui est intéressé lorsque vous utilisez votre furteur. Alors, pour être anonyme, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut être comme tout le monde. Commencer à être comme tout le monde, c'est autrement dit avoir la même image que tout le monde. Là, à ce moment-là, on se perdrait dans la masse. Si tout le monde utilisait le même furteur, avait le même système d'exploitation et le même ordinateur, ça serait très simple. Mais ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on est mieux de faire? C'est essayer de berner un peu, tromper, l'acquisition de notre empreinte. Là, je vais vous mettre tout de suite une petite parenthèse. Il y en a qui disent, ouais, mais il y a des ajouts qu'on peut faire qui vont changer notre nom de furteur, qui vont changer notre système d'exploitation. Essayez de berner. Je vous ai montré tantôt le canevas qui était pris. Ça ne se trompe pas, ça. Juste avec le canevas, on est capable d'à peu près tout chercher sur votre appareil. Donc, essayez pas d'utiliser autre chose. Donc, on va quand même tenter d'être le plus anonyme possible, le plus banal possible, en essayant d'envoyer le moins d'informations. Et si on envoie de l'information, envoyez une information plate et bête. Alors, moi, j'utilise des. On peut, dans Firefox, évidemment, Firefox est un furteur dans lequel on peut ajouter des fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités-là s'ajoutent par des extensions. On peut ajouter une fonctionnalité, mais les extensions ne servent pas qu'à ajouter des fonctionnalités. Ça peut être également tout simplement pour mieux paramétrer Bon, surtout, essentiellement pour ça. Donc, les cinq extensions que j'utilise ici, est-ce que tout le monde a déjà installé une extension sous Firefox? Je pense que oui, donc je vais aller montrer de quelle façon ça se fait. C'est donc, je disais extension, mais il y a aussi le paramétrage fin et le paramétrage plate et bête de Firefox qu'on peut améliorer pour que ce soit un peu moins mouchard qu'il l'est en ce moment. Donc, ces cinq applications-là que j'utilise, certaines vont se recouper dans leur fonctionnalité, pas complètement. L'avantage d'utiliser les cinq, c'est que si j'en ferme une, ben, il y en a toujours une autre qui va peut-être prendre le relais de ce que j'aurais fermé. Alors, on va voir pourquoi. Donc, là, elles sont listées par ordre alphabétique telles qu'elles apparaissent lorsque vous allez voir la liste des extensions que vous avez dans installées sur Firefox. Alors, comme je disais, elles sont donc complémentaires et elles peuvent se recouper. Mais elles vont améliorer notre vie privée. Alors, la première qui s'appelle désactivation de Google Analytics. Google Analytics qui est utilisé pour, évidemment, au moins des trois quarts des sites Internet aujourd'hui. Radio-Canada, par exemple, en fait un usage extraordinaire. N'importe quel journal va utiliser aussi Google Analytics. Et Google offre un ajout qui va tout simplement désactiver la transmission d'informations chez Google. Je sais que d'autres Privacy Badger et Ublock Origin peuvent également désactiver Google Analytics, sauf que si vous désactivez Privacy Badger pour une raison XYZ parce que votre site ne fonctionne pas, ou encore Ublock Origin, vous allez transmettre de l'information chez Google. Alors, si vous ne voulez pas que Google Analytics fonctionne, vous installez tout simplement cette application-là. Elle n'apparaît pas dans la liste des extensions, il faut aller la chercher soi-même chez Google, mais il suffit de taper désactivation de Google Analytics et vous allez arriver directement sur cette page. HTTPS partout. Bon, évidemment, on a parlé de la fonction sécurisée du HTTP. HTTPS partout permet de n'utiliser que le service HTTPS lorsqu'il est disponible, y compris pour les liens qui sont bien cachés dans des pages. Vous pouvez arriver sur une page, il y a de la transmission de données qui va se faire à votre insu, mais là, cette fois-ci, ça va se faire idéalement dans un protocole HTTPS. Tout ce qui est tiers, donc l'installation, l'extension, pardon, est très peu gourmande en ressources, donc ça vaut la peine de la rajouter. Privacy Badger, tantôt on a vu une saisie de Daniel qui le montrait. Je suis allé sur le site du Musée de la Civilisation, vous remarquerez, bon, par exemple, Google Ads, là, point double-clic, évidemment, c'est de la publicité, vous avez bon, Facebook, etc. Et vous avez les curseurs, vous avez trois positions possibles pour les curseurs. Normalement, on n'a pas à changer Privacy Badger qui va ajouter une icône dans votre barre en haut, la première barre. Lorsque vous cliquez, vous avez donc du détail sur l'extension installée. Et il y a des curseurs. Les curseurs vont se modifier en fonction de votre navigation. C'est une extension, pardon, qui a été développée par la Free Software Foundation. Et cette extension apprend à mesure que vous naviguez sur Internet. Donc, la position verte, c'est je laisse tout passer. La position du milieu, c'est un biscuit qui se fait dévorer. Donc, on dévore les témoins, on dévore les cookies lorsque vous fermez votre page. Et la troisième position, c'est on bloque tout. Donc, en jouant avec ces curseurs-là, si jamais vous arrivez par exemple sur un site et que le site fonctionne mal et vous avez absolument besoin de ce qu'il y a sur le site, vous pouvez toujours ouvrir Privacy Badger et jouer avec les curseurs. Je vous donne un exemple. Ici, musique, vous voulez écouter une pièce musicale, habituellement, il faut aller jouer avec ça parce qu'ils sont très pointilleux à Radio-Canada. Suppression automatique des témoins, cookie auto-delete, ça en est une autre aussi que j'aime bien utiliser. Et là, ça amène le concept de liste blanche et de liste grise. Vous arrivez sur un site lorsque un exemple, un site bancaire. Donc, vous avez à chaque fois que vous vous connectez sur votre site bancaire, la première fois que vous êtes allé, on vous a sûrement demandé quelle était votre langue, dans quelle province êtes-vous, préférez-vous telle taille de police, etc. Tout ça, évidemment, c'est sauvegardé dans un témoin qui est sur votre poste. Si je mets en liste blanche l'information que j'ai là, le cookie ne sera pas dévoré. Le témoin va rester en place. Si je le mets en liste grise, le témoin va rester là pendant ma session seulement. Il va disparaître après. Exemple d'utilité, vous allez faire un achat de billets au Grand Théâtre. Bon, ben vous mettez le Grand Théâtre va être sur la liste grise. À ce moment-là, ben, tant et aussi longtemps que votre session va fonctionner, ben, vous allez pouvoir faire votre achat et réussir à le faire dans le temps qu'on vous laisse. Surtout si vous êtes sur un téléphone, c'est absolument épouvantable. Et puis, c'est le concept donc, des deux listes. Règle générale, on n'a pas beaucoup à y toucher. Donc, ces extensions-là, il m'en manquait une dernière, excusez-moi, UBlock Origine, ça en passant, c'est un Québécois qui a créé l'extension au départ. C'était le fameux AdBlock que tout le monde voit. AdBlock, je ne vous la conseille pas. C'est, d'après moi, bien commercial aujourd'hui. Et UBlock Origine, et comme le nom le dit, c'est l'origine, c'est l'original. Et c'est bel et bien libre en plus. Et lorsque c'est plus qu'un bloqueur de publicité, c'est un bloqueur. Donc, vous avez tout ce qu'on voit comme partout ici, ce sont des boutons hein, systématiquement. Comme ici, j'ai trois polices, par exemple, qui sont des polices téléchargeables. Si vous voulez télécharger, si vous voulez empêcher l'installation de police, par exemple, vous allez cliquer là. Donc, c'est vraiment l'application qui est la plus visible. Parce qu'évidemment, elle enlève les publicités. Donc, si on ne les voit pas, c'est que c'est vraiment très visible qu'on ne les voit plus. Alors, voilà. Donc, ces cinq applications-là, donc, sauf la première pour Google, les quatre suivantes, donc vous allez les trouver très, très facilement en cliquant sur les modules complémentaires de Firefox. Il y a deux extensions qui sont à éviter. Ghostery, Daniel en a parlé tantôt. Non, c'est Daniel qui en a parlé tantôt, je crois, oui. En partant, ce n'est pas un logiciel libre. Et puis, il y aurait de la remontée d'informations. Donc, c'est ces deux informations-là, je les ai trouvées sur le site de LinuxFR. Il y a un très, très bon, article qui s'appelle « Protéger sa vie privée sur le web » et on donne comme exemple Firefox. Et donc et également l'extension Disconnect qui est à éviter. Maintenant, dans la configuration générale de Firefox, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire en partant et qui devraient être là d'office, qui devraient être installées, mais ça ne l'est pas. Donc, on ouvre le menu de Firefox, etc. Donc, il faut désactiver les cookies tiers, les témoins tiers. Et il faut également activer la protection contre le pistage. Évidemment, activer la protection contre le pistage, ben, c'est selon le bon vouloir de l'endroit où on se connecte. Parce qu'évidemment, vous dites, je ne veux pas être pisté, mais si on décide de vous pister, ben, c'est malheureux. Mais enfin, c'est quand même minimal comme protection. Vous avez aussi à changer le moteur de recherche, idéalement. Changer le moteur de recherche, je vous en suggère deux ici. Quant, qui est européen, qui fonctionne extrêmement bien, et DuckDuckGo. Qui est peut-être un peu plus connu que Quant, un peu plus. DuckDuckGo, ça fait une bonne dizaine d'années, je crois que ça existe. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on change notre moteur de recherche par défaut qu'on ne peut pas utiliser d'autres moteurs. Vous voyez, quand vous cliquez sur le bouton de recherche, vous avez les choix qui apparaissent. Mais il suffit donc en mettant un qui respecte notre vie privée, déjà, on s'aide, on transmet moins d'informations. Configuration générale, toujours. Celle-ci, je vous la montre, mais tantôt, j'ai glissé un mot que UBlock Origine pouvait bloquer les polices. Quand on fait un exemple, par exemple, le site ici d'ailleurs du Musée de la Civilisation utilise des polices de Google. Lorsque vous faites un téléchargement de police, ben, évidemment, c'est un échange. Hein. Donc, il y a de l'information qui s'en va des deux côtés, là, que Google vient chercher. Donc, si vous ne voulez pas, évidemment, vous pouvez toujours bloquer ces trois domaines-là. Mais en le faisant, vous allez vraiment tout bloquer ce que les API de Google. Donc, par exemple, si vous utilisez bon, le site du RTC, ben, qui s'appuie sur les cartes de Google pour afficher, ben, vous n'aurez plus de cartes. Donc, l'application ne fonctionnera plus. Donc, c'est à penser-y bien. Mais c'est sûr que le jour où on utilisera OpenStreetMap à la place des API de Google, ben, là, ça réglerait le problème. Mais je vous la montre quand même. Les témoins flash sont les cookies flash ou les témoins flash, ce sont extrêmement intrusifs et viennent chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur votre poste. Ces témoins-là sont cachés si la majorité ici est déjà sous Linux, mais ils sont cachés dans deux répertoires cachés qui commencent par un point, point Adobe et point Macromedia. Ces deux répertoires-là, évidemment, vous pouvez les supprimer. Vous allez instantanément supprimer tous les témoins qui sont à l'intérieur. Le problème, c'est qu'à toutes les fois que le flash est réactivé, ben, les deux répertoires se recréent tout le temps, à chaque fois. Alors, la solution est toute simple, c'est de faire un lien symbolique sur le fichier DevNull. DevNull, c'est le néant, c'est le grand néant. Donc, vous dites que le répertoire .adobe est accroché à DevNull et .macromedia. Donc, effectivement, pour le flash, il n'y voit que du feu, ça, et tout s'envoie dans le néant. Donc, vous n'aurez plus jamais de témoin flash ni de répertoire que vous allez voir dans votre... c'est vraiment... mais c'est uniquement sous Linux que cette petite fonctionnalité-là est disponible. Et évidemment, le flash, ben, il reste quoi? À peu près 10% des sites Internet aujourd'hui qui fonctionnent en flash. Donc, c'est en désuétude et tant mieux. Et, mais il y a encore Radio-Canada qui utilise abondamment et le flash malgré les plaintes qu'on peut formuler. Ça, c'est ce qu'il y a de plus nouveau. C'est disponible depuis la version 62 de Firefox, donc la toute dernière version qui est sortie cette semaine. Et en fait, elle était déjà présente pour ceux qui utilisent les versions nightly. Il y en a peut-être qui utilisent des versions qui sont mises à jour à chaque nuit de Firefox. Alors, il faut aller dans l'éditeur avancé, donc en utilisant About Config. Et c'est l'utilisation d'un serveur DNS sécurisé, qu'on appelle le DOH, donc c'est pour DNS over HTTPS. Alors, quand on... aller chercher notre DNS, à moins qu'on utilise un... comme toi, Daniel, tu l'as, je crois. Évidemment, la transmission de notre adresse se fait en clair. C'est-à-dire que votre fournisseur Internet sait toujours, vous avez fait une requête, vous voulez aller sur tel site et on vous retourne l'information du site, mais donc votre fournisseur Internet le sait où vous êtes allé. En utilisant le DOH, à ce moment-là, l'information va partir chiffrée de votre ordi jusqu'au serveur DNS et l'information va revenir ensuite à votre ordi. Votre fournisseur ne saura même pas où vous êtes allé. Alors, pour ça, il faut l'activer parce que par défaut, ce n'est pas activé, mais c'est disponible à partir de la version 62. Et Mozilla utilise Cloudflare, donc, dont on parlait Daniel tantôt, comme serveur DNS. Évidemment, tout ça, ça va être mis sur le site Internet de Linux. Là, vous n'avez pas à prendre de notes là, si vous voulez l'utiliser. Il y est déjà, OK. Dans la configuration fine de Firefox aussi, comme je vous disais, Firefox est un peu mouchard. Bon, il y a des choses, évidemment, il y a des considérations commerciales un peu aussi derrière. Là. Bon, vous essayerez par exemple de supprimer Amazon dans votre liste de moteurs, c'est impossible à supprimer, il va toujours revenir, tout le temps, tout le temps. Firefox a été compilé comme ça, vous ne pouvez pas le changer à moins de les fouiller vraiment beaucoup. Là. Et donc, si on veut le rendre un peu moins mouchard, donc il y a ces fonctionnalités-là ici qui existent. La première, c'est la suppression du référent. Le référent, c'est que toutes les fois que vous arrivez sur un site, bien évidemment, le site sait d'où vous arrivez. Alors, c'est le référent. Alors, si on veut supprimer le référent, on a quatre variables à changer, juste pour changer le référent. On peut aussi désactiver la connexion silencieuse lors du survol d'un lien. Parce que vous survolez un lien, mais en fait, pour accélérer votre navigation sur Internet, Firefox va télécharger dans sa cache la page. Comme ça, quand vous allez cliquer dessus, mon Dieu, ça apparaît vite. Mais elle est déjà en partie là. Même chose pour le préchargement des liens qui même n'ont pas été survolés, donc vont se faire. Donc, il suffit encore une fois de désactiver une autre variable. Les suggestions de recherche. Ça aussi, désactiver les suggestions de recherche, ça fait que vous ne transmettez pas cette information-là. Par contre, ça n'empêche pas des choses locales sur votre poste qui a été mis dans votre cache locale. Ça va, vos suggestions de recherche à vous-même vont réapparaître, mais pas celles qui vous seront suggérées par un moteur de recherche. Enfin, il y en a une autre qui est assez amusante, qui n'a pas divulgué où vous collez. Ça, je l'ignorais. Je ne savais pas que toutes les fois qu'on sélectionne quelque chose sur une page, c'est logué. Alors, et vous avez peut-être déjà eu des sites où vous voulez coller quelque chose parce que vous avez un formulaire à remplir et vous êtes incapable d'aller coller dans le site. Il faut absolument aller écrire dans la case appropriée et non pas faire un copier-coller. Alors, en modifiant la variable qui est en bas ici, en la mettant à false, ben, on n'est pas capable de savoir ce que vous avez sélectionné ni si vous l'avez copié. Et ensuite, en prime, c'est que ça va vous permettre de coller où vous voulez également. Enfin, il y a des fausses protections, j'en ai glissé un mot tantôt. Donc, l'option ne pas me pister, bien évidemment, c'est une demande qui au site de ne pas être pisté. Mais cette traçabilité-là, bien, est au bon vouloir du site tant qu'il n'y aura pas de loi pour obliger que ça soit vraiment en place. Et puis, le mode de navigation privée. Bon, le mode de navigation privée, on a l'impression que c'est merveilleux, mais non, ça n'empêche absolument pas le pistage. Tout ce que ça fait, c'est que ça va cacher les traces pour l'utilisateur postérieur, donc la personne qui va prendre l'appareil après vous. Autrement dit, vous voulez faire un achat, vous ne voulez pas que telle personne voit que vous avez été acheter telle chose, bon, ben, vous le mettez en navigation privée. Ben oui, ça supprime les témoins, ça supprime votre historique, bon, etc. Mais en fait, c'est tout ce que ça fait. Ça n'empêche pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'empêche pas le partage d'informations avec les autres sites des autres onglets. Parce que ça, la navigation privée est bonne pour un onglet, une session. Dès que j'ouvre un deuxième, un troisième, un quatrième onglet, tout est partagé entre les onglets. Exemple, vous voulez acheter un billet d'avion, bon, ben, vous allez ouvrir un premier onglet en navigation privée, vous disant que ah, ben, c'est parfait, et puis vous ouvrez un deuxième, un troisième, un quatrième, et tout se parle. Donc, vous pouvez faire, à ce moment-là, ouvrir plusieurs fois Firefox en navigation privée ou n'utilisez pas la navigation privée. Mais en fait, c'est pas parfait. Donc, il y a plein d'actions donc qui sont possibles pour améliorer notre navigation. Comme je dis, la première chose, c'est aussi bête que ça, c'est de savoir comment notre propre navigation dans l'Internet, pas aller n'importe où, les sites que l'on fréquente, ça peut faire une différence. Et puis, Firefox est un furteur qui est extrêmement paramétrable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation. Si vous allez dans la base de données, là, Knowledge Base, là, KB.mozilla, vous allez avoir toutes les variables. Il y en a des centaines et des centaines de variables. On peut tout aller voir et faire une recherche dans ces variables-là, mais on peut aussi prendre une par une les variables et regarder à quoi elles servent et voir quelles sont leurs valeurs. Donc, c'est la différence des autres fureteurs libres qui, oui, sont libres, mais avec lesquels on n'est pas capable de jouer vraiment. Alors, Firefox est capable, lui, de. On peut le mettre à notre main. C'est vraiment une possibilité. Évidemment, il reste, j'aurais dû le mentionner, IceCat au tout début, je crois que j'ai oublié de le mentionner. IceCat est bon, c'est un jeu de mots avec Firefox, là. IceCat est la version totalement, totalement, mais totalement libre de Firefox. C'est-à-dire que c'est Firefox expurgé des DRM, parce que bon, vous savez, il y a les DRM qui sont à l'intérieur de Firefox. Et il le fait, comme j'ai mentionné tantôt, bon, Amazon est accroché avec Firefox et Google aussi, parce que bon, il y a de l'argent à faire. C'est sûr qu'on peut ne pas utiliser ces services-là, mais il reste quand même qu'il y a, bon, en quelque part, c'est codé dans le furteur. Donc, en prenant la version IceCat, vous allez avoir la version de Firefox qui est dite ESR, c'est le Extended. En fait, c'est la version l'équivalent de la version long terme là, de Firefox pour ceux qui ne veulent pas changer à chaque 6 semaines que vous allez donc trouver. J'ai mis aussi toutes les références que vous pourrez trouver et vous amuser à lire. Voilà. Donc, si j'ai des questions. Oui. Oui, je l'ai regardé. Ben, là, faut jouer avec là. Mais j'ai l'impression que c'est enfin, je pense c'est un peu comme combiner c'est un peu comme combiner uBlock avec ouais. Qu'on va débloquer. D'accord. En fait, donc, donc, très intéressant probablement pour plusieurs personnes d'entre nous, mais pas nécessairement pour monsieur et madame tout le monde. Oui. Un peu comme l'extension NoScript aussi. Peut-être quelques-uns utilisent ici là. Bon, ça aussi, c'est une extension qui va faire que vous allez jouer beaucoup sur certains sites pour être capable d'avoir de l'affichage. Donc, c'est pas. En fait, ce que je voulais présenter, donc, c'est vraiment des choses pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. Non. Merci beaucoup, Raymond. Je vous en prie. C'était excellent. Je vous en prie. Nous avons encore une conférence, mais si vous voulez vous détendre un petit peu en attendant 3 heures, mettons. Notre conférencier vient d'arriver. Si tu veux, Gabriel. Parfait. Avez-vous d'autres questions pour Raymond ou peut-être Daniel aussi pourrait répondre à des questions?